Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginand, je serai avec vous pour les 90 prochaines minutes sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 11 décembre 2013, qui se trouve à être la dernière émission de la saison. Et puis, comme je vous parlais la semaine passée, si vous n'aviez pas attrapé l'émission, eh bien, nous allons aussi, pour le moment, prendre une pause, en fait, de l'émission produite de façon hebdomadaire ici sur les ondes de Choc FM. Alors, je vais transporter mes activités pour le moment vers la chaîne YouTube de L'Autre Monde que vous connaissez tous et puis qui est toujours en lien sur la page des Nouvelles Internationales, qui est le blog associé un peu avec l'émission, là. Par ailleurs, désolé si vous n'avez pas encore vu apparaître les informations des dernières émissions. Là, j'ai été vraiment très occupé, mais je vais en fait les mettre sous peu. Alors, vous pourrez retrouver évidemment toutes les sources d'informations ainsi que les liens pour vous rendre à la page de L'Autre Monde sur le site de YouTube, où on va quand même continuer de vous informer, vous apporter des nouvelles au fur et à mesure que les choses se développent, mais de façon un peu différente, c'est-à-dire en des formats variables et puis en longueur de temps et puis aussi de façon variable aussi par rapport au nombre d'émissions qui vont être produites. Ça veut dire que ça ne sera pas nécessairement là, à un moment précis à chaque semaine. Alors, ça va me permettre d'avoir plus de flexibilité dans mes occupations et recherche d'informations et production d'émissions, tout en gardant le contact avec vous et puis en vous apportant les informations les plus importantes. Alors, voilà. Et puis, bon, il n'est pas dit que dans le futur, nous reviendrons évidemment sur les zones de Choc FM parce que c'est réellement une des meilleures radios étudiantes qu'on peut réellement avoir pour plusieurs raisons, dont particulièrement la possibilité ici de produire des émissions intéressantes, variées, et puis aussi où la censure n'existe pas, dans la mesure où les informations qu'on rapporte sont évidemment bien rapportées, disons-le, de façon professionnelle, de façon éthique, et puis évidemment avec exactitude. Alors voilà. C'est ça. Je vais en profiter d'ailleurs aussi tout de suite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes où vous trouvez. Et puis, réellement, là, santé, bonheur pour cette nouvelle année 2014. Ce fut toute une année en 2013. Alors, 2014 devrait se stabiliser un peu au niveau... un peu au niveau énergétique, là, ça a été assez intense, là, disons, là, en 2013. Alors voilà, donc merci toujours d'avoir été là. D'ailleurs, chers auditeurs, et puis comme je vous dis, là, ne manquez pas de suivre nos activités sur la chaîne YouTube de l'autre monde. Alors voilà, bon, écoutez, cette semaine, on va parler un peu de Fukushima, on va parler d'un peu de nouvelles d'actualités diverses. Et puis nous allons aussi discuter un peu là de neutrinos et de cosmos, de différentes choses qui devraient un peu se connecter avec le monde un peu spirituel, si vous voulez, psychologie, et ainsi de suite. Alors voilà. Tout d'abord, ben écoutez, première grosse nouvelle, évidemment, Nelson Mandela n'est plus. Vraiment un symbole incroyable. Alors évidemment qu'on ne s'étendra pas sur le sujet pendant 4 heures. Là, ça a été un sujet vraiment énormément couvert dans tous les médias à travers le monde. J'entendais même que on s'attend à ce que finalement le décès de Nelson Mandela aura occupé autant de temps médiatique, d'articles écrits et ainsi de suite que le 11 septembre 2001. Alors, imaginez. Effectivement, il y a des raisons à ça, des bonnes raisons. Si vous savez, des fois, on est tout le temps un peu séparés entre les deux thèses de l'orientation, soit matérialiste ou spiritualiste. Et puis, en réalité, il faut essayer de vivre les deux en duo au lieu en duel. Et puis, il reste quand même que devant l'ultime choix, un peu comme la dernière tentation, si vous voulez, on se retrouve à un moment donné devant, ben on peut se retrouver devant un choix, en fait. On se retrouve d'une certaine façon tout le temps, mais ultimement, on peut réellement avoir à choisir entre mourir de corps ou mourir d'esprit. Et puis, face à un tel choix, évidemment, que l'esprit a préséance, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mourir de corps que mourir d'esprit. Et puis ça, c'est vraiment une loi générale immuable de l'univers, disons-le. Et puis, de tous les temps, on a eu des prophètes, on a eu des gens qui ont été, ont représenté, à tout le moins, en fait, ont été le symbole d'une libération, de liberté, de combat pour les droits de base, les droits humains, pour la libération, en fait, pour l'émancipation, ainsi de suite. Et puis, évidemment que Nelson Mandela en était un. Et puis, si ces gens-là, à un moment donné, avaient choisi pour la vie facile, pour l'argent, pour, en fait, se ranger, pour éviter d'avoir des problèmes, pour... par peur d'avoir des représailles contre eux, contre leur famille, ainsi de suite, eh bien, auraient pu se ranger finalement, puis abandonner leur cause, en fait, leur valeur, leur intégrité, finalement. Puis c'est pour ça qu'ils seraient morts d'esprit. Peut-être auraient-ils survécu de corps, peut-être n'auraient-ils pas eu à passer 27 ans en prison, ainsi de suite. Mais ces gens-là, à un moment donné, font un choix. Et puis, on se rend compte que même si on essaye de taire ou même d'éliminer physiquement ces personnes, leur esprit subsiste. Et puis, c'est là qu'on voit vraiment l'importance, la préséance du monde spirituel sur le monde matériel, bien que les deux doivent être vécus en symbiose et en harmonie. On se rend compte qu'à un moment donné, l'esprit de ces gens-là reste vivant. Je veux dire, ils meurent de corps matériel, physique, mais leur esprit demeure et va continuer d'inspirer l'humanité, d'inspirer les êtres humains partout sur la planète Terre. Alors, il n'y a personne de parfait, évidemment, qu'il ne faut pas défier qui que ce soit. Je veux dire, c'était un être humain, comme nous en sommes. mais qui a fait des choix et qui a décidé de vivre en accord avec ceux-ci, en pleine intégrité, même si ça signifiait des sacrifices, des compromis quand même très importants. Quand on parle de passer pas loin de 3 décennies en prison, chers auditeurs. C'est quelque chose, là. Je veux dire, c'est une partie de sa vie qui réellement a été passée, peut-être pas d'une façon qu'il aurait choisi, mais en même temps, regardez. Comme je vous disais, son esprit va vivre à travers les temps maintenant. Et puis, c'est tout un hommage qu'on lui a rendu, et puis, en fait, qu'on se devait de rendre, et puis de comprendre que c'est à la portée de chaque être humain de faire ces choix-là. Puis imaginez ce qu'un homme peut faire, ou une femme peut faire. Imaginez si nous étions des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, pourquoi pas des milliards, à prendre des décisions comme ça, à choisir selon notre intégrité, selon nos valeurs profondes. Des valeurs qui ne sont pas ancrées dans des conditionnements, dans des dogmes, dans des religions. Des pensées rigides, des systèmes de pensée, whatever. Mais ancrées, biogénétiquement ancrées dans le sens de la vie. Parce qu'autant qu'il y a des lois qui gèrent le monde matériel, le monde physique, autant qu'il y a des lois qui gèrent le monde spirituel. Ça, c'est bien important à comprendre. Et puis, c'est en comprenant ces lois-là, son organisation légale, qu'on arrive à comprendre finalement aussi les conditions de notre satisfaction intérieure, de notre harmonisation, de notre joie de vivre. Parce qu'en fait, connaître ces lois-là, c'est en fait connaître le sens de la vie, aussi profond que c'est. Puis ultimement, la psychologie, qui est un peu comme dans ses balbutiements, on peut pas avoir 56 écoles de la psychologie en quelque part, chers auditeurs, comme on peut pas avoir 56 écoles de physique. Il y a rien qu'une physique, il y a rien qu'une loi qui gère la physique, qui gère le déplacement des corps, qui gère les forces, qui, vous comprenez, qui gère tout. Puis un peu à travers cette émission, on va parler des particules qui voyagent plus vite que la lumière. On est en train un peu de se rendre compte encore là que même notre science du monde physique est encore bien incomplète. Bien qu'on a déchiffré quand même des bons pans de celle-ci, on se rend compte aussi que à un autre niveau, on est loin d'avoir tout saisi l'affaire. Il faut rester bien humble devant ça. Il faut rester bien humble parce que le mental a tendance à prendre le dessus et à nous faire croire comme étant au-dessus de la nature, tout puissant. Avec notre technologie, on se pense plus fort que la nature, avoir vaincu cette nature, cette force cosmique, force de la vie. Parce que méprenez-vous pas, chers auditeurs, toute notre science physique est basée sur un symbole métaphysique qui est la force F. Donc, un coup qu'on a reconnu cette force métaphysique, on est incapable de, en fait, expliquer. On constate seulement son existence, on la symbolise par force, et à partir de là, on peut étudier son fonctionnement légal dans le sens de ses lois. On sait que si on lâche une pomme sur la planète Terre, ben elle va tomber à terre, elle va tomber parce qu'elle est attirée par une force qui est mesurable. On n'est pas capable de l'expliquer, mais elle est mesurable. Le mental est capable de saisir ces choses-là pour saisir en fait la légalité du monde extérieur physique. Mais l'esprit, lui, va être capable de saisir les lois du monde intérieur, du monde psychologique, du monde spirituel. Il y a des lois qu'il gère. Évidemment que si on ne se place pas en dessous d'un piano qui est en train de chuter du 2e étage, parce qu'on sait que par la force des choses, il va nous tomber sur la tête au lieu de monter au ciel, ben c'est un peu une condition de notre harmonisation, une condition C'est comprendre le sens de ça va signifier aussi notre joie de vivre, parce qu'on va être bien heureux de voir tomber le piano à côté de nous lorsqu'on va s'être déplacé, au lieu d'être resté en dessous en croyant que le piano, au lieu de tomber, montrait au ciel, vous comprenez? Mais ça va faire au niveau spirituel. Au niveau spirituel, ben il y a des lois comme ça qui nous gèrent, puis comprendre leur légalité, comprendre ces lois-là, c'est comprendre nos conditions de satisfaction intérieure, notre vraie joie de vivre. On a la liberté de suivre ces lois-là ou pas. C'est là notre libre arbitre. Mais on n'est pas libre des conséquences. Ça, c'est bien important. Donc, on est libre de partir dans la rivière avec les rapides et puis d'essayer de monter à contre-courant. On est libre de faire ça. Mais on n'est pas libre de se casser la gueule sur les roches et puis de manger beaucoup d'eau par le nez, par les oreilles, par la bouche et possiblement de se noyer. On est libre aussi de partir dans le sens du courant de la rivière et avoir beaucoup plus de facilité. Comprenez, c'est un peu ça l'idée, là. Sauf qu'on a tendance à se prendre pour notre mental au lieu d'oublier qu'il y a l'esprit qui chapeaute le tout. Parce que le mental est capable d'analyser les choses, il est logique. Mais il n'est pas capable de juger du sens des choses. Alors le mental, il dit « je suis capable de faire une bombe nucléaire et de la larguer sur une population ou des armes à uranium appauvri, puis le larguer sur une population. Je peux fabriquer une arme et puis aller assassiner mon voisin. » Mais l'esprit, lui, après ça, est à une autre étape de décision qui, lui, vient juger du sens. C'est pas parce que je peux fabriquer une bombe nucléaire et la larguer sur un autre pays pour prouver ma domination. Mais l'esprit, là, il va venir en jeu et puis là, ben, il va juger du sens des choses. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Et puis le mental est simplement un outil. Puis autant qu'il est un outil, un peu comme un marteau ne peut pas scier du bois, le mental ne peut pas juger du sens des choses. Il sait juste comment faire, comment monter et démonter. Vous comprenez? Donc c'est un peu un détour, mais c'est un peu vers ça que je vous parlais il y a quelques semaines, que je veux en venir sur l'émission, c'est de comprendre ces choses-là, parce qu'à un moment donné, il faut se libérer, il faut continuer d'évoluer vers plus de conscience, il faut comprendre que l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde, vient des hommes, puis ce qui vient des hommes vient de leur cœur, de leur motivation, de ce qui les anime, de leur désir, puis de la façon d'harmoniser ces désirs-là, de choisir parmi ces désirs-là, de choisir lesquels ils vont satisfaire, pour quelles promesses imaginées ou réelles, lesquelles ils ne vont pas accomplir. Et pourquoi? Les motifs, c'est tellement important. Et puis, on revient à Mandela. Vous voyez un peu les détours qu'on fait, mais pour revenir à Mandela, ce sont des personnages, c'est un personnage parmi plusieurs. Il faut arrêter de les déifier, c'est-à-dire que ce sont des humains, comme Jésus était un humain et non un dieu, comme Bouddha était un humain, comme Krishnamurti était un humain. Ces gens-là, c'est des humains, mais qui font des choix et qui font des choix qui ultimement réellement, ultimement, sont extrêmement... on est face à soi-même, OK? Et face à son intégrité. Parce que, ultimement, lorsqu'on comprend la légalité des choses, du monde spirituel, on va comprendre que certains désirs sont faux et certains désirs sont vrais. Certaines motivations sont fausses et certaines motivations sont vraies. Il faut être capable de se lire soi-même, il faut être capable de s'observer, il faut être capable de se connaître soi-même. En toute humilité, en toute vérité, avec notre côté lumineux puis notre côté sombre. car nous ne sommes pas le diable ou des anges, mais nous sommes les deux. En même temps, nous avons deux visages. Nous avons tout le temps la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Ce sont des symboles, le diable et des anges, et le mal et le bien. Des symboles qui signifient finalement des choix qu'on fait, des choix vrais et faux, et nos motifs. Alors, ce sont des gens qui sont inspirants parce qu'ils nous montrent que ultimement, des choix sont faits qui demandent beaucoup d'intégrité, beaucoup d'humanité, une profondeur de réflexion et en fait d'observation de ce qui est bon puis de ce qui ne l'est pas, de ce qui va vraiment apporter la bonté, plus de conscience, plus d'humanité, puis ce qui ne va pas le faire. Comprendre ce qui nous anime réellement, ce qui nous pousse à faire ces choix-là. Ça ne veut pas dire que Mandela, il a tout le temps posé des bons gestes. Il s'est trompé à des endroits. Il a fait des actes probablement répréhensibles. Mais on chemine là-dedans. Puis on en arrive à un moment donné à devenir des vrais humains. On ne naît pas humain. On le devient. On le devient à force de faire des choix. Et des choix qui sont en fait bien motivés et non faussement motivés, entachés d'une imagination qui n'est plus connectée à la réalité et qui nous promet des satisfactions qui sont fausses, des satisfactions qui seront éphémères, qui ne seront pas réelles, qui seront irréelles, mais qui est toujours le jeu de la vanité humaine. Alors, on va parler, c'est un hommage évidemment à cette personne-là, Nelson Mandela, mais c'est un hommage aussi, il faut comprendre qu'on est tous là en train d'incarner des possibilités. Incarner les possibilités de l'être humain. Puis ces gens-là, ils nous en fait inspirent beaucoup parce que au niveau humain, ils ont incarné ce qu'ils ont incarné, en fait, de quoi qui est possible au niveau humain. C'est possible. On peut tous faire ses choix. Et puis, comment je vous dirais, apporter ce qu'on a à apporter ici dans ce monde. On n'est pas venu ici pour rien, là. On n'est pas venu ici pour faire du fanatisme ou tomber dans l'extrémisme ou quoi que ce soit. On est venu pour incarner une vibration, une conscience. Puis c'est notre mission à chacun de nous. On n'a pas besoin d'attendre des sauveurs. Ce sont des gens qui, en fait, nous ont pas donné un exemple que, il faut attendre des sauveurs pour venir nous sauver. En fait, ils nous donnent l'exemple qu'on peut tous devenir soi-même des co-créateurs de ce nouveau monde, de cet autre monde. Des co-créateurs d'une nouvelle réalité, d'une réalité qu'on veut, d'une réalité qu'on rêve, d'une réalité qu'on imagine, d'une réalité qu'on incarne. On a le pouvoir de créer par la pensée qui s'incarne, qui matérialise. Et puis, chacun de nous est capable de faire ce que ces gens-là font, parce que c'est possible au niveau humain. Imaginez, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, chapeau. Chapeau pourquoi? Parce que c'est ça le potentiel de l'humanité. C'est pour ça qu'il faut croire en l'humanité. Tout n'est pas mal. On essaie de nous faire croire que tout est mal, tout est sombre, tout est déjà contrôlé, perdu d'avance, qu'on est impuissant, ainsi de suite, qu'on est seul, isolé, qu'on n'y peut rien. Imaginez ce qu'un homme a pu faire. Un homme. Imaginez maintenant ce que des dizaines de milliers, sinon des millions de personnes peuvent faire. En faisant évoluer sa propre conscience, en posant des gestes en accord, en intégrité avec cette conscience. Pas facile. Mais imaginez, une personne a pu influencer l'histoire du continent africain au complet, et puis va rester dans la mémoire et l'inspiration des humains pendant combien de temps? Peut-être à tout jamais. Imaginez, quelqu'un il nous montre qu'on peut être maître de son destin. C'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'est pas libre. On peut être en prison et être l'être humain le plus libre. c'est pas parce qu'on est en prison physiquement qu'on est en prison spirituellement. Intéressant. Intéressant. Puis après ça, vous voyez des personnages comme Stephen Harper aller rendre hommage à Nelson Mandela. Des nabos aller rendre hommage à un grand homme comme ça. Stephen Harper qui finalement participe à des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, en supportant Israël, l'attaque contre la flotte, tu sais, d'aide humanitaire en plein eau internationale, un acte de guerre. On a supporté ça. Puis après ça, ça va rendre hommage à des Nelson Mandela. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Israël, qui a été un des grands supporters de l'État d'apartheid en Afrique du Sud. Quelle honte! On supporte Israël avec le traitement qui a été décrit par des gens du domaine de la loi internationale, ainsi de suite, et des gens de l'Afrique du Sud, vraiment des Sud-Africains, qui ont vécu l'État d'apartheid. On a eu, à un moment donné, une étude là-dessus qui a été faite, qui a été rendue publique, là, il y a de ça déjà, je pense, quelques années, là, il y a peut-être 2-3 ans, où, justement, écoutez, là, on reconnaissait. Puis on avait de plusieurs sources, là, des gens qui venaient de différents horizons, différents pays, comme je vous disais, plus en fait des gens qui avaient vécu l'État d'apartheid, donc qui l'avaient vécu, imaginez, là, pas juste entendu parler, là, qui l'avaient vécu en Afrique du Sud, avaient décrit que ce qui se passait en Palestine était vraiment un État d'apartheid supporté par Israël depuis 60 ans, une occupation militaire, une horreur. Puis le Canada supporte ça à côté dans le tapis, à fond la caisse. Puis après ça, on voit Stephen Harper aller rendre hommage à Nelson Mandela. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! C'est des coquerelles qui, finalement, s'amassent aux orteils de ces hommes-là pour essayer de se remonter un peu, de remonter son image. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Parce qu'ils sont écrasés. Un seul homme peut écraser spirituellement par leur stature, leur caractère, leur intégrité, leur puissance, la vraie puissance humaine. C'est ça la vraie puissance, pas la puissance des vaniteux qui ont besoin d'utiliser des armes, puis des armées secrètes, puis la NSC, puis espionner le peuple, puis utiliser la police pour faire la répression sur le peuple, puis tout. Non, la vraie puissance de l'homme, la puissance de son esprit clairvoyant, conscient et humain. Bravo. Alors voilà, on va faire une petite pause musicale puis on revient tout de suite après. Trying to solve this situation. Retour à l'émission L'Autre Monde. Alors, écoutez, vanité. Oui, la vanité. C'est quoi la vanité? Vanité vient de vanitas, qui veut dire vide de sens. Alors, la vanité est en fait, si vous voulez, un peu la faiblesse, le manque que nous avons tous. Et qu'on cherche à combler d'une manière faussée la plupart du temps. Et elle prend différentes formes, évidemment. Et cette vanité nous suit. Un peu comme Persée doit, en fait, combattre une méduse. Qu'on ne peut regarder directement dans les yeux parce qu'elle nous pétrifie d'horreur. Mais il faut finir par lui couper la tête et puis après ça la transporter avec nous. Pour tout le temps se rappeler que nous sommes toujours accompagnés des pièges de cette vanité et que même si on la vainc, il faut faire toujours attention que la victoire sur la vanité ne se transforme jamais en vanité de la victoire, comme c'était fait à tout jamais. Elle prend différentes formes et malheureusement, bien souvent, elle naît de notre imagination qui est faussée et qui cherche à finalement nous faire oublier notre manque. Nous sommes tous nés avec un manque que nous devons finalement combler, sur lequel nous devons travailler pour approfondir notre expérience et devenir de plus en plus conscient, de plus en plus humain. Et puis, bien souvent, c'est le mental, notre mental qui, finalement, est un peu, prend la forme, si vous voulez, dans notre monde physique, de notre science, avec notre science et puis notre technologie. Et puis, bien souvent, comme je vous disais un peu plus tôt, on a tendance à vouloir oublier notre place véritable dans ce grand jeu cosmique de l'univers. Par frustration d'arriver un peu en plein milieu d'un spectacle et puis de devoir repartir avant la fin, vraiment d'être ici pendant un flash. Des fois, c'est un peu frustrant, effectivement, l'expérience humaine. l'effroi devant la mort, et ainsi de suite. Et puis, on a tendance à vouloir oublier ceci. Notre humilité face à la vie. Oublier le sacré. En fait, le mystère. Le mental va tout le temps être capable d'expliquer, de comprendre le fonctionnement des choses, mais ne sera jamais capable d'expliquer le pourquoi de tout ce qui est, d'où vient tout ce qui est. Il va tout le temps rester un mystère, symbolisé par le chaos. En fait, c'est le chaos du mental devant ces profondeurs, en fait, du mystère essentiel, en fait, qu'est-ce qui fait que tout ce qui est. Réellement, c'est... On essaye d'expliquer des choses et puis on remonte jusqu'au moment de la création qu'on a symbolisé par le Big Bang, comme c'était... En fait, on pense que c'est réellement un fait tel quel, et puis on se rend compte de plus en plus que notre science est bien incomplète et que on est loin d'avoir tout compris. Et on est... J'avais déjà parlé un peu de ça dans le passé, mais on se rend compte de plus en plus... Il y a de plus en plus de données qui nous arrivent avec... soit le télescope Hubble, et ainsi de suite, là, tous les instruments de mesure spatiale, et ainsi de suite. On se rend compte que finalement, on n'est plus si certain que ça, que ça soit vraiment le Big Bang qui se sont produits, que ça soit en fait le début de l'univers, et puis qu'il n'y avait rien d'autre avant, et puis là, évidemment, on touche à de quoi de très profond, parce qu'à un moment donné, la science se fond un peu avec la religion, dans un certain sens, là, avec un symbolisme de Dieu. Alors, je vous avais parlé un peu de ça plus tôt, comme quoi que toute la physique était basée sur un symbole F, un symbole métaphysique, et puis nous devons comprendre que ce symbole F représente la force. C'est quoi la force? Ben, c'est une force qui anime tout l'univers. On sait qu'elle est là, cette force. On sait pas d'où elle vient, puis pourquoi qu'elle existe, mais elle est là, elle est mesurable. À partir de là, on est capable de mesurer, mais il faut admettre qu'elle existe. Et puis, on le symbolise par F. Mais F, c'est le symbole de la force dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, ce même F porte un autre nom, mais est le même symbole. Et cet autre symbole, c'est Dieu. Dieu est ni une réalité, puis ni une illusion, c'est un symbole. C'est le même symbole que la force, c'est la même chose. Il y a une force qui anime tout ça. On l'a appelé Dieu ou on l'a appelé la force. C'est la même chose. Puis on se rend compte que, de différentes façons, qu'il y aurait eu quelque chose avant le Big Bang. OK? On dit la théorie du Big Bang, c'est parce que c'est bien une théorie, là. Là, on cherche la particule de Dieu. Tu sais, vous comprenez, là, quand on dit qu'il faut séparer la science de les croyances. Bon, mais là, vous savez, depuis qu'on a construit le fameux truc à neutrinos, là, hein, le laboratoire du INFN du Grand Sasso, laboratoire incroyable du faisceau de neutrinos, CNGS, en provenance du CERN, qui est à 730 km de distance. Ben, on se rend compte que finalement, il y a des particules qui voyagent plus vite que la lumière. Puis dans un autre article que je vais vous laisser aussi cette semaine, c'est drôle parce qu'on parle de science. Puis dans ces articles-là, on dirait qu'on parle autant de science qu'on parle de monde spirituel et de Dieu, et ainsi de suite. Alors, vous voyez qu'à un moment donné, on arrive à un point où il devient bien difficile de séparer les deux. On ne sait pas, c'est parce qu'on est dans un contexte où on pense qu'on parle de religion puis on parle de science, alors qu'on parle de la même chose. On parle de la même chose, de la force. Ou de Dieu, la Dieu-force, appelez-la comme vous voulez. Ben, on se rend compte que il y a peut-être eu des imposteurs dans l'histoire. Peut-être. Il y a eu des imposteurs. Mais peut-être que il y en a qu'on croyait des génies alors qu'ils en étaient peut-être en fait de ces imposteurs et qui ont été mis en place pour cacher des vrais génies. On se rend compte finalement que les lois d'Einstein et puis ce qu'il a porté la façon qui, si vous regardez, vous faites un petit retour dans l'histoire, là, vous allez voir que finalement, Einstein a peut-être en fait été mis en avant-plan pour faire oublier des choses qui étaient pas mal plus réalistes comme science. Et qu'on se rend compte aujourd'hui avec nos instruments qu'ils avaient raison. Et j'ai nommé Nikola Tesla. Nikola Tesla, qui est un des génies les plus incroyables que la Terre ait porté, avait découvert des choses il y a 100 ans qu'on est en train de redécouvrir avec notre science pas loin de 100 ans plus tard. OK? Et puis vous avez notre correspondant français, Stéphane Poutoir, qui a écrit un article que je vous invite à lire, que je vous laisserai en lien d'ailleurs sur Nouvelle Intentionnelle, qui s'appelle « Nikola Tesla plus vite que la lumière dès 1932, lettre ouverte à Dario Otiero », que je vous invite à lire, et qui est fort intéressante. Et puis après ça, on va s'en aller dans l'autre article que je vous parlais, où on est en train de parler de ce pré-Big Bang, alors qu'on se rend compte que avant l'univers, il y avait probablement quelque chose, et puis qu'on se rend compte que finalement, on était loin d'avoir compris, et puis que de certains, en tout cas, génies sur la planète Terre ont été un peu comme mis de côté, remplacé par d'autres figures qui finalement n'arrivaient pas à la cheville de ce que cet homme-là a découvert. Peut-être pour des raisons assez spéciales, mais ça va être à vous d'en juger au fur et à mesure qu'on va découvrir ces choses-là. Mais là, écoutez, ces gens-là, les directeurs de recherche du CNRS, dans le cadre de l'expérience Opéra qui a été menée avec les installations du CERN et puis de l'INFN, qu'ils ont été amenés le 22 septembre 2011 à rendre public des résultats de mesure de la vitesse des neutrinos. Et puis, vous avez un extrait de ce rapport, en fait, qui cite que, au terme de 3 ans d'analyse complexe, l'expérience Opéra dédiée à l'observation depuis le laboratoire de INFN du Grand Sasso en Italie, du faisceau de neutrinos, CNGS en provenance du CERN à 730 km de distance, a permis de conclure que les neutrinos parvenaient à destination plus rapidement que prévu. D'après les calculs, les neutrinos ont en effet 60 nanosecondes d'avance sur les 2,4 millisecondes qui devraient leur être nécessaires pour parcourir la distance séparant le CERN du Grand Sasso à la vitesse de la lumière. Alors, vous avez l'intégralité du communiqué de presse. Et puis, après ça, ben, évidemment qu'on a eu une levée de bouclier parce que lorsqu'on vient un peu nier la science qu'on croyait exacte jusqu'à date, par vanité humaine encore, nous pensant au-dessus de toutes ces choses et croyant tout savoir. Ah non, c'est pas possible que quelque chose aille plus vite que la lumière, ben oui. Alors, ça remet évidemment en cause le travail de ces gens-là et puis évidemment une partie de la communauté scientifique qui vont essayer de trouver plusieurs failles, évidemment, permettant de conclure la non-validité de la publication des rapports. Évidemment qu'on fait affaire avec cette particule de Dieu qu'on appelle le boson de Higgs. Hein, quand je vous disais que à un moment donné, on arrive à un point où on mêle un peu les deux, parce qu'évidemment, on se frappe à un certain chaos, là, un certain endroit où, à un moment donné, la frontière de la science, en fait, se termine et où commence le spirituel. Écoutez, on se retrouve avec des particules qui, rappellent que le dogme inviolable de Einstein, que rien ne peut aller plus vite que la lumière dans le vide. Vous avez cette citation ici, en fait, qui revient à dire que, après, comme je disais, que finalement, ben, on a des assises de notre science qui devraient être remises en question. Là, vous avez la théorie de la relativité restreinte qui a été énoncée en 1905, Einstein avait notamment prouvé que rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Pourtant, plus d'un siècle après, au terme de 3 années de mesures de très haute précision et d'analyse complexe, l'expérience Opéra fait état d'un résultat totalement inattendu. Les neutrinos arrivent au Grand Sasso avec une petite, mais significative avance par rapport au temps que la lumière aurait pris pour faire le même parcours dans le vide. Alors, Stéphane Poutoir en vient à la raison qui l'amène aujourd'hui à écrire cette lettre ouverte. et qui disait que nous savons maintenant qu'Einstein, Albert Einstein, ne s'est jamais vu attribuer le prix Nobel pour ses travaux sur la relativité pour la bonne et simple raison que ses travaux étaient avant tout ceux d'Henri Poincaré. Puis là, vous avez trois sources par rapport à ça, dont le British Journal of the Philosophy of Science, vous avez l'Encyclopédie Larousse, et puis les livres de la relativité, Poincaré et Einstein, Planck, Hilbert, Histoire véridique de la théorie de la relativité. Et puis après ça, ben vient la question qu'on doit poser. Pourquoi Poincaré ne va pas exposer la théorie de la relativité comme le fera Einstein par la suite? Parce que Poincaré, finalement, se trouve à l'origine de ça. La réponse, c'est que Nikola Tesla, qui nous la donne dans le New York Times, daté du 6 février 1932, dans lequel il adresse au rédacteur du journal un courrier rédigé deux jours plus tôt sous le titre de Cosmic Rays. Un article hallucinant que Stéphane Poutois a réussi à dénicher. En 1932, Nikola Tesla écrit une petite colonne dans le New York Times, le 6 février 1932, parlant des rayons cosmiques. Et puis là, il fait l'état de l'avancée de ses travaux à travers d'une réponse à une série d'articles qui avaient été déjà publiés sur le sujet des rayons cosmiques. Et puis, c'est dans cet article vieux de plus de 82 ans qu'on a pu lire ce jour-là pour la première fois l'affirmation suivante. Évidemment que ça a été écrit en anglais, on l'a traduit pour vous. Alors, Tesla écrivait, j'ai fait des progrès pour résoudre le mystère jusqu'en 1899, lorsque j'ai obtenu les preuves mathématiques et expérimentales que le Soleil ainsi que les autres corps célestes similaires émettent des rayons d'une grande énergie qui consistent en d'inconcevables petites particules animées de vélocités dépassant largement celles de la lumière. Ces petites particules dont il parlait étaient les neutrinos, tels qu'on les nomme aujourd'hui. Puis là, si vous allez lire l'article au complet, vous allez avoir le lien, vous pouvez aller lire cette fameuse lettre. Vous allez voir que les travaux de Tesla étaient fort avancés, là. Il y avait des compréhensions, il y a pas loin de 100 ans, qui étaient aussi avancées que ce qu'on a là aujourd'hui, là. Avec nos gros, gros ordinateurs puis nos laboratoires hyper complexes et hyper dispendieux. OK? Avec nos télescopes dans l'espace et ainsi de suite. Ils savaient déjà qu'il y avait des particules qui se déplaçaient plus vite que la lumière dans le vide. Très, très intéressant. Très intéressant aussi parce que dans cet article, on apprend, entre parenthèses, là, parce qu'on va parler un peu de Fukushima un peu plus tard, on apprend que Tesla est en train de comprendre aussi que la radioactivité ne fonctionne pas comme on le pense. C'est les éléments, de la façon qu'il décrit dans son article du New York Times, la petite colonne, il en parle comme si c'était pas en fait, prenons par exemple le plutonium, c'est pas le plutonium qui émet de la radioactivité. Selon l'explication, la compréhension de Tesla, ce sont les rayons cosmiques, les neutrinos qui nous traverse. OK, vous savez, on est bombardé en quelques secondes, là, on est bombardé par des milliards de neutrinos qui sont tellement fins qu'ils nous passent carrément à travers. Je veux dire, ça passe à travers la planète Terre, là. OK, ça passe à travers toute la matière de la planète Terre. C'est tellement fin que ça passe au travers comme si c'était rien. Mais c'est l'effet de ces rayons cosmiques-là qui rentrent sur la planète, qui frappe ces éléments radioactifs comme le plutonium. En fait, ces éléments radioactifs-là, ils sont décrits par Nikola Tesla comme étant des cibles. Imaginez, des cibles qui attirent les rayons cosmiques. Puis c'est les rayons cosmiques qui, finalement, avec leur interaction en bombardant ces éléments radioactifs-là, qui produit ce qu'on appelle la radioactivité qui est émise. Alors, vous comprenez que c'est un fonctionnement complètement différent. Et puis, je vais pousser même un peu plus loin dans une autre parenthèse, parce qu'on va se rendre compte que c'est la même maudite affaire, et tant qu'on revoit notre science, j'en avais parlé aussi dans le passé, ça, le climat fonctionne comme ça aussi. OK? Les aires glaciaires et les périodes de réchauffement sur la planète Terre sont beaucoup liés au fait de l'activité solaire. Parce que lorsque le soleil est dans une activité solaire accrue, ça l'éloigne les rayons cosmiques. Il y a moins de rayons cosmiques qui atteignent la planète Terre. Et puis c'est ces rayons cosmiques-là qui, lorsque le soleil est en période de non-activité ou de repos, en fait, vous avez moins de tâches solaires, moins d'activité solaire, eh bien, plus de rayons cosmiques vont venir frapper la planète Terre, en fait, vont traverser l'atmosphère. Et puis c'est cette action des rayons cosmiques sur l'atmosphère qui génère des nuages. Puis ça, c'est une expérience facile à faire qu'on fait en laboratoire, en physique, dans les écoles secondaires. Le soleil y est pour beaucoup avec l'effet des rayons cosmiques. Puis là, je veux dire, voyez là, toute l'application, là, un coup qu'on a un peu rétabli des choses, des concepts, ben là, on commence à expliquer un paquet d'affaires qu'on avait bien de la misère à expliquer avant. Et il commence à y avoir beaucoup d'affaires qui commencent à faire beaucoup plus de sens. Stéphane Poutoir écrit que de là à penser que Poincaré avait lui aussi fait cette phénoménale découverte mettant un frein définitif à la poursuite de ses travaux sur la théorie de la relativité, il n'y a qu'un pas que l'on peut aisément franchir, non? Maintenant, comment expliquez-vous que des centres de recherche comme le CERN, le CNRS et autres éminents laboratoires en tout genre n'aient pas cherché à obtenir puis comprendre comment et avec quels moyens cet homme, qui ne se trompait jamais, avait pu dès 1899 démontrer que vos neutrinos, inconcevables petites particules, vont bel et bien plus vite que la lumière? De plus, comment avez-vous pu publier sur le sujet sans même jamais citer le docteur Tesla, qui pourtant ce jour-là, a utilisé le New York Times? Einstein a-t-il été l'éteignoir de son contemporain Tesla, aidé en cela par la formidable machinerie destructrice de ceux qui n'avaient absolument aucun intérêt à le voir aller jusqu'au bout de ses travaux? La supraluminicité est assurément tueuse de relativité. De quoi devrions-nous avoir peur face à une telle remise en cause du paradigme einsteinien? Et puisque la vérité rend libre, redressez-vous, libérez-vous, vous envoie comme message Stéphane Poutoir. Alors, merci Stéphane, c'est vraiment fort important. Et puis, on va faire une autre petite pause musicale, et puis tout de suite après, ben, on va revenir avec cet autre article en parlant un peu du Big Bang. Alors, on se retrouve tout de suite après ça. La la, la la la la, la la la, la la la. Your things ain't the kind of species you can lock up in a cage. I choke if I feel pressure thus by wildlife and heart like Nicolas Cage. My freedom like me music, my coke booze and dry. Let's fly onto the mystery train. Let's ride. You got it. Impulsive like Zidane, my goals I hit like Tati. If I was a ride, I'd be a Maserati. Let's ride onto the mystery train. Yeah. the tone. If you will, I'll trade collects like Roberto Malone. Pretty girl, sex me, or leave me alone. Leave me alone, yeah, leave me alone. Retour à l'autre monde, François Marginat au micro. Alors, écoutez, un article fort intéressant publié, entre autres, sur mondialisation.ca, 19 novembre 2013, par Shams-Eddine Chitour, est fort intéressant. Ironiquement, ici, on a une citation d'Albert Einstein, d'ailleurs, en tête. « Ce que je vois dans la nature est un grand dessein que nous ne pouvons comprendre que de manière imparfaite. » Et que je dois remplir une personne qui réfléchit avec un sentiment d'humilité. Ouais, effectivement. De tout temps, les hommes décrivent ce fort intéressant article là, que je vais vous laisser aussi en lien. Là, je vous invite à le lire au complet. Il est quand même bon, il y a quelques pages là, mais je veux dire, c'est fort intéressant. Là. C'est comme je vous disais, la rencontre de la science avec le spirituel. Et puis, on n'a pas le choix à un moment donné d'arriver à ce niveau-là. Vous allez comprendre pourquoi, parce que bon. Vous avez l'auteur qui dit que de tous les temps, les hommes se sont posés les questions suivantes, fruit d'une inquiétude légitime. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et comment expliquer l'ordre superbe de l'univers, depuis la délicate harmonie d'une humble fleur des champs jusqu'à la splendeur sombre de la voûte étoilée? Suffit-il de laisser agir les lois de l'univers pour qu'à partir du hasard naisse naturellement la vie, ou faut-il imaginer qu'au-delà des choses visibles, il y a encore autre chose, une intelligence discrète, un horloger qui animerait la matière et lui donnerait souffle? Alors, on dit que le 21 mars 2013, l'Agence spatiale européenne annonce les résultats reçus du satellite Planck, lancé le 14 mai 2009. Pour rappel, Planck est un illustre physicien prix Nobel qui laissa à la physique sa fameuse constante H, appelée par la suite en hommage la constante de Planck, qui permet de connaître l'énergie émise par un photon. Alors, on dit que l'énergie E est égale à H nu. Alors, la mission du satellite était d'explorer les confins de l'univers après le Big Bang, c'est-à-dire retrouver les premiers instants, la toute première lumière émise, très froide, à peine 2,72 degrés au-dessus du zéro absolu, bien avant le satellite Planck. Il y a eu Prognose, un satellite soviétique lancé en 1983, Kobe lancé par les Américains en 1989, et puis WMAP en 2000. Pendant 1000 jours, le satellite Planck a fouillé les confins de l'univers pour tenter de répondre aux questions des physiciens et de l'humanité. Comment l'univers a-t-il été créé? Hein? Vous voyez qu'on se pose ces questions, à un moment donné, on rencontre ce point ultime. Est-il gouverné par le hasard ou par un ordre profond? Y avait-il quelque chose avant le Big Bang? Hein? En fait, je dirais même, est-ce que le Big Bang est vraiment une théorie valable? Les premiers résultats sont fantastiques. Le satellite Planck a permis de préciser l'âge de l'univers. On arrive à 13,820 milliards d'années. Alors imaginez les Mayas. Eux est arrivé à pas loin de 15-16 milliards d'années. Alors on se rapproche de plus en plus de ce que les Mayas savaient déjà il y a 500 ans. Avec notre super technologie, notre grande vanité là, de tout contrôler et puis de finalement prendre contrôle de le monde, de dominer la nature. Hmm? Et Planck a décelé des anomalies, en fait, entre guillemets, parce que finalement, c'est des anomalies pas de l'univers, mais en fait, de notre compréhension de ce qu'on pensait qu'était le fonctionnement, de la science, et ainsi de suite. Alors, les écarts entre les parties chaudes et froides du rayonnement fossile n'excèdent pas quelques millionièmes de degrés. D'où viennent-ils? Déjà en 1994, rapportent Igor et Grichka Bogdanov dans leur ouvrage « Le mystère du satellite Planck ». Qui avait-il avant la création de l'univers? Le prix Nobel George Smoot proclame dans le livre qu'il a consacré à ces infimes différences de température « Nous ne sommes pas le résultat d'un simple accident cosmique ». De fait, la première lumière de l'univers, le Fiat Lux de la Bible, semble réglée au millionième près. Par quel miracle? Comment est-ce possible? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, proclamait en son temps Leibniz, avec le satellite Planck, avec le boson de Higgs, la question est plus que jamais d'actualité. L'un des résultats les plus spectaculaires est que de plus en plus, on parle de l'avant-Big Bang, qui est censé décrire le déroulement de la création de l'univers à partir d'un point que l'on ne peut atteindre et que l'on avait justement la barrière de Planck à 10,43 secondes. Alors, George F. Statiou, j'espère que je prononce correctement, astrophysicien à Cambridge, déclarait justement à la réception des résultats envoyés par le satellite Planck. Il est parfaitement possible que l'univers ait connu une phase avant le Big Bang, qui ait vraiment existé et que l'on puisse suivre l'histoire de l'univers jusqu'à cette période précédant le Big Bang. Fin de la citation. On est amené à penser, avec certains physiciens, que le Big Bang n'était qu'une étape. Peut-on alors voir des traces de l'avant-Big Bang? Ben là, écoutez, effectivement, vous avez plusieurs scientifiques. Là, on parle ici de l'aventure de Arnaud Penzias, de Robert Penzias, ingénieur de laboratoire de Bell, qui les premiers furent dérangés lors de la mise en place de leur antenne pour un tout autre objectif de ce bruit de fond qui persistait à rester, quels que soient les réglages opérés par la grande antenne. Et puis vous avez un signal qui correspond à une très basse température. Il est partout dans l'univers. C'est un bruit de fond prévu par le physicien Gamow. Dans les années 40, raconte en fait l'histoire de l'univers, ou plutôt sa signature. On raconte que Fred Hoyle, ardent défenseur du modèle d'univers immuable, fut perturbé au point de tourner en dérision les découvertes et il l'appelait Big Bang, le grand boom. Un homme osa s'opposer aux équations d'Einstein et à sa théorie de la relativité, Alexander Friedman. Il remet en cause justement l'approximation faite par Einstein avec sa constante cosmologique qui en quelque sorte cloue l'univers sur place. Il vient de démontrer que l'univers tout entier est en expansion et qu'il a existé un moment où un univers tout entier était un point loin dans le temps, ce que démontrera expérimentalement Edwin Hubble, qui constate que les galaxies se déplaçaient vers le rouge, l'effet Doppler qu'on appelle. Alors, là, vous avez l'avènement du boson de Higgs, dont on parlait un peu plus tôt. Et puis, on parle justement des particules. Hein? Une découverte majeure qui a été faite en début juillet 2012, il n'y a plus de doute. Les explorateurs de l'infiniment petit viennent enfin de mettre la main sur une nouvelle particule. On dit les particules élémentaires doivent peut-être leur masse à l'insaisissable boson de Higgs. Dans les années 70, les physiciens ont compris qu'il y avait des liens étroits entre deux des quatre forces fondamentales, la force faible et la force électromagnétique. Ces dernières peuvent être décrites dans le cadre d'une théorie unifiée qui constitue la base du modèle standard. On entend par unification le fait que l'électricité, le magnétisme, la lumière et certains types de radioactivité sont tous des manifestations d'une seule et même force appelée force électrofaible. Les équations fondamentales de la théorie unifiée décrivent de façon correcte la force électrofaible et ses particules porteuses de force associées, à savoir le photon et les bosons W et Z. Alors, vous voyez, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, là. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, je vais vous laisser lire l'article lui-même parce qu'il faut se concentrer un peu pour bien comprendre tout ça, là. Et puis on dit que dans ce modèle, toutes ces particules paraissent dépourvues de masse. Or, si le photon a effectivement une masse nulle, nous savons que les particules W et Z ont une masse nulle équivalent à près de 100 fois la masse d'un proton. Heureusement, les théoriciens Robert Brout et François Englert et Peter Higgs ont proposé une théorie qui devait résoudre ce problème. Puis là, on continue un peu avec ces fameuses forces, hein, en fait, ces fameuses particules qui donnent une masse W et Z alors qu'ils interagissent dans un champ invisible qui ont dit champ de Higgs, qui est présent partout dans l'univers. On dit juste après le Big Bang, le champ de Higgs était nul, mais lorsque l'univers a commencé à se refroidir et que la température est tombée en dessous d'une certaine valeur critique, le champ s'est développé spontanément, si bien que toutes les particules interagissant avec ce champ ont acquis une masse. Plus une particule interagit avec ce champ, plus elle est massive. Alors, là, on parle évidemment des champs fondamentaux, le champ de Higgs qui est associé à une particule, le boson de Higgs. Puis on dit que le boson de Higgs est la manifestation visible du champ de Higgs, un peu comme la vague à la surface de la mer. Puis là, on poursuit un peu avec la question de à savoir si l'univers est né par hasard. Puis on dit aujourd'hui, à l'instant du Big Bang, l'univers est encadré par une série de constantes cosmologiques qui gouvernent à chaque instant chaque étape de la naissance de la matière. Et puis, à un point tel que, en fait, certains physiciens parlent de miracle, car sa naissance est parfaitement ordonnée, ce qui fait dire à George Smoot, prix Nobel, que le Big Bang est l'événement le plus cataclysmique que nous puissions imaginer, et à y regarder de plus près, apparaît finement orchestré. Et là, on cite dans cet article l'astrophysicien Trinh Hoan Tuan, qui nous explique une constatation acceptée par tous les chercheurs appelée « principe anthropique ». On dit que l'univers se trouve avoir, très exactement, les propriétés requises pour engendrer un être capable de conscience et d'intelligence. Là, c'est là que ça devient fort intéressant. Les astrophysiciens peuvent jouer au Dieu créateur en construisant des modèles d'univers, chacun avec sa propre combinaison de constantes et de conditions initiales, grâce à la puissance des ordinateurs modernes. La question qu'ils se sont posées pour chaque modèle d'univers est « héberge-t-il la vie et la conscience après une évolution de 13,7 milliards d'années ?» Puis la réponse est, la vaste majorité des univers possède une combinaison perdante. Hein? On fait des déroulements comme ça d'univers possibles via des super ordinateurs. Puis on se rend compte, après le déroulement de 13,7 milliards d'années dans ces modèles d'ordinateurs-là, que ce sont des combinaisons perdantes, sauf le nôtre. La précision stupéfiante du réglage de la densité initiale de notre univers est comparable à celle, écoutez bien ça, que devrait montrer un archer pour planter une flèche, c'est une analogie, là, pour planter une flèche dans une cible carrée d'un centimètre de côté qui serait placée aux confins de l'univers à une distance de quelques 14 milliards d'années-lumière. Alors imaginez la précision du réglage de l'univers qu'on a pour arriver à la vie consciente qu'on a aujourd'hui. Pour y arriver, là, il a fallu, c'est un peu comme si on avait eu un archer qui devait lancer une flèche à une distance de 14 milliards d'années-lumière et puis d'arriver à la planter sur une cible d'un carré d'un centimètre de côté. Aïe aïe! Imaginez, c'est d'où là l'émerveillement, d'où parlait Paul Diel, du sentiment de religiosité et non la religion. Mais le sentiment de religiosité, ça veut dire d'émerveillement devant le sacré, le mystère de tout ce qui est. Parce que quand on arrive à comprendre ça même avec la science, qu'on comprend que le réglage initial de l'univers dans lequel on vit pour arriver aujourd'hui à la vie consciente, tel qu'on l'incarne nous-mêmes. Imaginez le cadeau qu'on a d'être capable d'incarner cette conscience, cette nature qui prend conscience d'elle-même. Pas loin on dit 14, 15 milliards d'années. Hein, on va se fier un peu à ce que le calendrier Maya avait réussi à faire. Écoutez, le calendrier Maya, un des calendriers Maya, en fait, mappait, faisait la carte de l'évolution de la conscience et remontait à 15-16 milliards d'années. Calculait, en fait, l'évolution de la conscience. Les Mayas avaient mesuré ça il y a plusieurs centaines d'années. C'est capoté. On touche à un mystique, un côté mystique de la vie qu'on a compris intuitivement depuis des milliers d'années, qu'on s'est transféré en savoir ancestral à travers les mythologies qui, même si elles n'étaient pas reliées, et rêver, à la même époque, on parle des mythes bibliques, des mythes grecs, des mythes, ainsi de suite, rêvait intuitivement par le surconscient, parce qu'il y a le subconscient, mais il y a le surconscient, rêvait de ces mêmes symbolismes-là, qui dictaient, en fait, qui expliquaient ces mêmes mouvements de l'univers, ces mêmes mouvements de la conscience, ces mêmes combats intérieurs qu'on vit. C'est absolument incroyable. Alors imaginez, avec notre science, on se rend compte à quelle précision l'univers a dû être réglé dès le début pour arriver à la conscience aujourd'hui. Alors, pour arriver à des propriétés qui peuvent engendrer un être capable de conscience et d'intelligence, il a fallu avoir des réglages assez précis que c'est la même analogie d'un archer qui devait frapper une cible d'un centimètre carré à 14 milliards d'années-lumière de distance. Aucun scientifique ne contestera le réglage très précis des constantes physiques et des conditions initiales de l'univers pour permettre notre existence. Les débats surviennent quand il s'agit d'aller plus loin, quand on aborde le principe anthropique fort. Ce réglage est-il dû au seul hasard, ou bien résulte-t-il de la nécessité, si bien que les valeurs des constantes sont les seules permises? Disons-le tout de suite, dit l'article, la science est incapable de trancher entre ces deux positions, entre ces deux propositions. Une autre raison pour laquelle l'auteur s'insurge contre l'hypothèse du hasard est qu'il ne peut concevoir que toute la beauté, l'harmonie et l'unité du monde soient le seul fait de la chance. En fait, il faut parier, comme Pascal, sur l'existence d'un principe créateur. Mais c'est un postulat que la science est incapable de démontrer qui relève de la métaphysique. Alors c'est pour ça que je vous parlais un peu de cet article, parce que c'est fort intéressant, puis c'est là qu'on en est rendu. On est rendu là, chers auditeurs, on est rendu à un moment critique de notre évolution, de la conscience ici sur la planète Terre et puis dans l'univers. Puis c'est nous qui devons faire ce choix, c'est notre choix individuel de faire évoluer notre conscience, de la faire passer à autre chose, parce que si on le fait pas, on va s'auto-détruire avec notre propre technologie issue de notre mental qui est incapable de prévoir les conséquences réelles du sens de ces choses-là. Comme je vous parlais un peu plus tôt, c'est vers ça qu'on va se pencher de plus en plus ici sur l'autre monde dans le futur. Parce qu'on est rendu là, on est rendu à un point où si notre science, l'évolution de notre science est rendue tellement avancée que si notre conscience ne l'accompagne pas d'une évolution aussi avancée, on va s'auto-détruire. Parce qu'on ne sera pas capable de juger du sens de ce qu'on fait. On est en train de jouer, chers auditeurs, des technologies avec des bombes à antimatière qui seraient capables d'anéantir le système solaire en entier. Alors, si on n'a pas la conscience de comprendre ce qu'on est en train de faire, évidemment que c'est comme un enfant qui joue avec un fusil armé. Il n'a pas la conscience pour manipuler l'arme, pour comprendre les conséquences. Il va se tirer une balle sans en avoir même conscience. L'univers ne peut pas être réglé de façon aussi précise juste par le fruit du hasard. C'est pas parce que ça nous a l'air d'un hasard, parce que notre mental n'est pas capable de comprendre que c'est pas réglé. Il y a des lois qui gèrent ça. Il y a un principe créateur. Ça veut-tu dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui gère tout ça? Il n'y a pas de Dieu en tant que personnage anthropologique qui est assis à quelque part sur un siège dans le ciel qui gère tout ça. C'est un principe créateur. C'est la force. C'est un symbole. Comme Dieu est un symbole de cette force organisatrice. Puis ça, on ne va jamais être capable d'expliquer d'où il vient. C'est le mystère. C'est le mystère sur lequel se bute notre mental et qui, sincèrement, nous fait chier comme être humain parce que, je veux dire, le mental est un outil qui est limité. Puis il est limité à comprendre, en fait, le fonctionnement de ça, mais il n'est pas capable de comprendre d'où vient tout ça. Seul notre esprit, seule notre dimension spirituelle de notre être est capable de saisir intérieurement la vérité, le sens de toutes ces choses. D'où l'importance de notre dimension spirituelle en tant qu'être. D'où l'importance, comme Mandela l'a fait intimement, personnellement, lui-même en tant qu'être humain, nous devons le faire nous-mêmes, personnellement, en tant qu'être humain, anonymement, chez soi, dans notre être, dans notre monde intérieur, on doit s'harmoniser. On doit faire grandir cette conscience. Donc cet article, il continue, écoutez, il dit, on parle ici, bon, du Big Bang, de la force d'expansion, ainsi de suite. On parle de ce réglage de la constante cosmologique qui est précis jusqu'à la 120e décimale. Disons alors que ce fut alors une chasse aux preuves, et puis ça a démarré avec le satellite soviétique Prognoz, je pense qu'on appelle, qui réussit à montrer que le rayonnement fossile avait un spectre de corps noir. Ce qui fut confirmé 6 ans plus tard par le satellite, je pense qu'on appelle Kobe ou Kobe, excusez-moi là avec les prononciations là. L'astrophysicien Smoot a pu, en regardant les premières images du rayonnement fossile, s'exclamer « C'est comme voir le visage de Dieu ». Vous comprenez, là? C'est des scientifiques, astrophysiciens, qui à un moment donné, quand on est rendu où on est rendu, notre science se mêle avec le spirituel. La force physique est un symbole qui est le même du Dieu, du monde spirituel, qui exprime la même affaire. Le visage de Dieu, c'est la symbolique de la force en physique. C'est quelque chose, dit-il, cet astrophysicien, il cite, quelque chose semble inscrit dans cette lueur de l'aube, dans l'aube cosmique, comme un code mystérieux que George Smoot a appelé l'écriture manuscrite de Dieu, remontée en arrière jusqu'à la création. Regardez l'apparition de l'espace et du temps et de l'univers et tout ce qu'il y a dedans, mais aussi voir l'empreinte de celui qui a fait tout ça. Fin de la citation. Alors, on est rendu là. On est bien humble devant ça, parce que ce qu'on dit, regarder le visage de Dieu, c'est regarder, en fait, le principe organisateur de tout ça, qui est géré par une force légale. Autant le monde physique que le monde spirituel est géré par des forces légales, par des lois. Comprendre ces lois, c'est comprendre le sens de la vie. La psychologie est appelée à devenir, en fait, la science du sens de la vie. On ne sera pas capable d'expliquer, on ne va jamais être capable de comprendre d'où vient le fait que tout existe. C'est le mystère. Il faut l'accepter. C'est le côté sacré de la vie. On ne sera jamais capable d'expliquer pourquoi c'est là. Mais on est capable de le constater avec humilité et puis avec un sens du sacré, le vrai sacré, pas le sacré des religions qui finalement ont perdu tout leur sens et puis on adore des statues puis des mythes puis des faux dieux qui existent. Non, le sacré du fait que tout l'univers, tout le cosmos, tout semble être organisé depuis le début par une force organisatrice absolument inouïe, incroyable, inexplicable, mystérieuse, mais sacrée. On est arrivé en plein milieu d'un show, on est né en plein milieu d'un déroulement de l'univers, puis on constate que tout était déjà organisé, puis tout fonctionne sans qu'on était là. On arrive comme un spectateur, puis on constate tout ça. Puis là, tout d'un coup, avec notre mental, on s'insurge là-dedans, on arrive avec notre grosse vanité, puis on pense tout contrôler ça, de dominer, de soudouer, en fait, de soumettre la nature à notre férule, et notre science et notre technologie. Waouh! Vous comprenez? Vous avez une autre citation ici qui va comme suit, dit « Nous sommes dans la position d'un petit enfant entrant dans une immense bibliothèque dont les murs sont couverts jusqu'au plafond avec des livres écrits dans de nombreuses langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un a écrit ses livres, mais il ne sait pas qui ni comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. Telle est, je crois, l'attitude de l'esprit humain, même le plus grand et le plus cultivé face à Dieu. » En fait, face à ce mystère, Dieu est un symbole de ce mystère, de cette force qui anime tout. Donc on dit, on a d'abord parlé du visage de Dieu, et maintenant de la particule de Dieu, en fait, de ce boson de Higgs. Où faut-il en rechercher l'origine? De manière naturelle, avant le Big Bang, moment où la matière et l'énergie n'existaient pas encore. C'est une création à partir de rien. L'apparition à partir de rien de notre univers. Mais en fait, ça vient pas de rien. Le néant n'existe pas. Tout a toujours existé. Il n'y a que le moment présent qui est éternel. L'humain est la dimension de l'espace-temps. Le temps nous traverse. Nous sommes l'expression de ce temps. Alors, c'est assez hallucinant, je veux dire, quand on parle de tout ça, voir où c'est que ça nous mène. Et puis, on est rendu à un moment donné où nous devons devenir vraiment humbles devant tout ça. On essaie de trouver les origines de tout ça, puis on va avoir bien de la misère, parce qu'à un moment donné, on va arriver avec des explications sur la création de l'univers, mais en réalité, ça va tout le temps rester un mystère. Est-ce qu'on en a fini avec la création de l'univers par l'explication par le Big Bang? Fort possiblement. Il y a trop d'anomalies qu'on trouve en ce moment, puis en fait, l'anomalie, c'est nos théories qui sont mal ajustées. L'univers à grande échelle n'est pas vraiment celui qu'on attendait. Alors, fort article ici, là, très intéressant là à lire. L'infinie variété des formes de vie, leur incroyable complexité, la conception merveilleuse sont un énigme, un mystère. Pour certains scientifiques, la vie est le résultat d'heureux hasards, comme si nous avions gagné $1 million à la loterie 1 million de fois de suite. Voyons donc, notre univers, est-ce qu'il est, mais il existe une infinité d'autres univers tout différents. On a peut-être gagné le bon univers à la loterie. Est-ce que c'est plusieurs univers dans un? Écoutez, il y a plusieurs questions. Ces mystères devraient inciter une personne humble et respectueuse à reconnaître qu'il y a une puissance, une intelligence ou un esprit suprême, immensément supérieur à la science des hommes. Intéressant. Intéressant article de professeur Shem Eddine Chitour de l'École Polytechnique. Donc, je vais vous laisser découvrir ça. Et puis, nous, on va se quitter là-dessus. C'était tout pour l'autre monde. On avait des nouvelles de Fukushima. Je vais vous laisser ça en lien pareil. Écoutez, Fukushima, complètement hallucinant. Des rapports qui montrent qu'on a eu des très hauts taux de radioactivité de xénon 133 qui ont frappé le Canada après Fukushima, 6000% plus élevé que ce que les sites internet du gouvernement disaient. Ça, c'est Santé Canada ici qui essaie de nous protéger en cachant qu'on a eu des retombées radioactives 6000% plus élevées que on pensait en xénon 133, imaginez. Donc, il y a des nouvelles fort intéressantes comme ça, puis qui parlent évidemment de radiation record qu'on a trouvé encore dans un puits proche de l'océan Fukushima, 1,4 milliard de becquerels par mètre cube de strontium, bêta émetteur, des lectures de 25 sievers par heure. Écoutez, 25 sievers par heure. À un ou deux sievers, on meurt après quelques dizaines de minutes ou une heure. Là, je veux dire, c'est hallucinant. 25 sievers. 25 sievers, là, une personne meurt à l'intérieur de 20 minutes. OK, c'est pas bien compliqué, là. Extrêmement fort. Ça se répand dans les océans et puis c'est en train de traverser l'océan et puis ça va continuer de traverser les océans pendant des années et des années parce que on largue 400 tonnes. En fait, il y a 400 tonnes d'eau contaminée, hautement contaminée, radioactive, qui coule des centrales de nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique et puis qui traverse les océans, qui se remet sur la côte ouest. Et puis là, ça va arriver là dans les prochaines années. Ça va continuer de frapper la côte ouest et puis on retrouve de plus en plus d'espèces marines complètement dévastées, particulièrement en ce moment, là, ces dernières semaines et derniers mois. Et puis regardez bien ça se dérouler dans les prochains mois et années à venir. OK? Donc, écoutez, je vais vous laisser toutes ces nouvelles-là, fort important. Des nouvelles aussi sur les fameuses guerres Israël qui veulent partir contre l'Iran. Évidemment, un article fort intéressant du professeur Michel Chosdowski, s'il parle de la guerre et le gaz naturel, l'invasion israélienne et les gisements de Gaza en mer. Alors, on dit que l'invasion militaire de la bande de Gaza par les forces israéliennes est directement liée à la possession et au contrôle de réserves stratégiques de gaz en mer. On parle de découverte de vastes réserves de gaz au large du littoral de Gaza en 2002. Et puis, écoutez, on n'est pas là pour rien, hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de raisons, mais ça, c'en est une. Alors, Israël est prêt à forer des puits de pétrole en Cisjordanie, aussi un autre article ici à lire de Jonathan Cook, publié le 12 novembre 2013. Alors, gisement du Mejed qui pourrait s'étendre sur 250 km², une grande partie en territoire palestinien. Alors, des fois, ça l'explique des choses aussi. Donc, des nouvelles fort intéressantes à aller lire là-dessus. Donc, voilà. Écoutez, ça va être tout pour nous autres. Merci beaucoup d'avoir été là sur Autre Monde. Sincèrement, chers auditeurs, ça a été un plaisir d'être avec vous depuis 2007 ici jusqu'à cette émission en 2013. On va s'arrêter pour le moment, comme je vous expliquais. On va peut-être bien se retrouver ici sur l'autre sur Choc FM. Dans le futur, pour le moment, vous allez être capable de retrouver l'émission, les informations sur la chaîne YouTube de l'Autre Monde et sur les nouvelles internationales et ailleurs, évidemment. Donc, c'est un rendez-vous là-bas. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez averti au fur et à mesure que des nouvelles vidéos seront émises. Alors, sur ce, je vous salue bien bas. Un gros merci à Choc FM, à toute l'équipe, à tous les auditeurs d'avoir été là. C'est François Marginan pour l'Autre Monde. Un joyeux temps des fêtes. Paix et amour. Santé à vous tous. Je vous aime. Ciao. Bye bye. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time.